Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et la science n'a rien d'aride quand elle peut se raconter. Et nous avons la chance à Futur Simple de pouvoir compter sur Mathieu Riopel qui aime raconter la science. C'est même un peu son travail puisque, à part d'être prof de physique au Cégep Garneau, il travaille aussi pour le Centre de démonstration en sciences physiques où la physique est racontée en combinaison avec des démonstrations de phénomènes physiques. Alors bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Alors, ce soir, tu nous racontais l'histoire de Humphrey Davy et de Michael Faraday. Oui, en fait, ce soir, on va aller visiter la science qui se faisait au début des années 1800, mais surtout la façon dont on diffusait la science à cette époque-là. Mm-hmm. Donc, bonne question à se poser, c'est comment on faisait pour communiquer la science au grand public avant la radio, avant les émissions comme Futur Simple ou avant la télévision. Mais je pensais même pas qu'à cette époque-là, que ça intéressait le grand public, la science. Oui, ben en fait, probablement qu'il y a eu une certaine époque où on a commencé à réfléchir à cet intéressement-là du grand public aux sciences. Donc, c'est où on a voulu répandre ces idées-là scientifiques, puis les faire connaître à un plus grand public. Puis, probablement que le début des années 1800 se situe là. Évidemment, ça se faisait avant aussi, mais... Donc, c'est ça, pour communiquer la science avant l'époque des ondes électromagnétiques, si on veut, ben, une des façons qui était, bon, il y avait l'écrit, évidemment, pour parler de science, mais il y avait surtout des conférences qui pouvaient être données, donc expliquer des choses à l'oral dans des amphithéâtres, ça, c'est aussi vieux que les sciences. Mais cette façon de communiquer les sciences-là a pris des proportions importantes au début des années 1800. Il y avait avant ça, par exemple en France, il y avait un certain Jean-Antoine Nollet. Lui, il faisait des expositions d'électricité. Il démontrait toutes sortes de phénomènes électriques pour les gens du public, mais aussi pour apprendre, pour que les gens comprennent ces nouveaux phénomènes-là, pour les exposer à des scientifiques, mais aussi pour les communs des mortels. Mais il y a un lieu où est-ce que cette façon-là de diffuser les sciences a pris vraiment son essor, son envol, si on veut. Ça s'appelle la Royal Institution. Ça se trouve à Londres. Puis ça a été fondé en 1799. Puis ça avait vraiment comme objectif de communiquer, de permettre au public, au général, d'en apprendre sur les idées scientifiques, donc de communiquer les sciences au commun des mortels, et non juste aux scientifiques, évidemment. Donc, c'est ça. Ça a été fondé en 1799 sur la rue Albemarle Street. Je suis jamais allé. J'aimerais ça un jour, c'est un de mes projets de vie. Il y a quelque chose de particulier, cette rue? Ben, c'est la première rue sur laquelle il y a eu un sens unique d'installer. Et puis, pourquoi on a installé un sens unique? Parce que c'était trop populaire, les conférences de sciences. C'était trop populaire. Il y avait des embouteillages de calèches, là, j'imagine, à cette époque-là. Okay. Il a fallu diriger correctement la circulation pour la première fois dans l'histoire du monde. Là, c'est devant un endroit de diffusion des sciences que ça s'est produit trop de public à cette époque-là. Donc, c'était excessivement populaire, ce genre d'événement-là. Puis la Royal Institution l'incarne vraiment bien, c'est tout ça. J'aurais pensé aussi qu'à l'époque, il y aurait pu avoir beaucoup de détracteurs de la science, étant donné que la religion prenait aussi beaucoup d'importance et que, des fois, il y a des conflits là, entre science et religion. Oui, mais à cette époque-là, il y avait quand même des idées révolutionnaires. La tendance était beaucoup aussi à s'éloigner certaines idées de la religion dans certaines parties de la culture populaire. On n'a qu'à penser à la Révolution française, là, qui n'était pas tout le temps en accord avec les idées religieuses, évidemment. Mais donc, c'est vraiment... les idées scientifiques étaient partagées et appréciées. Puis c'est une époque où est-ce qu'il y a beaucoup d'optimisme dans la science, beaucoup d'optimisme dans ce que le futur, le progrès pouvait nous réserver. Donc, il y avait beaucoup d'admiration envers les idées scientifiques pour le public en général. C'est beaucoup l'époque où on apprend à découvrir l'électricité. Donc, les conférences qu'on faisait là mettaient l'accent là-dessus. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on a construit, là, si on voulait vous imaginer cet endroit-là, c'est un auditorium, essentiellement, où il y a des estrades qui permettent de bien voir la scène, bien voir le présentateur et ce qui est en train de montrer comme phénomène scientifique. Donc, On s'imagine là, il y a 200 ans, là, si vous voulez me suivre dans le temps. Et puis, il y a un personnage qui est important. C'est pas le premier présentateur de la Roy Young Institute, c'est le deuxième, en fait. Il s'appelle Humphrey Davy. Et puis, c'est lui qui a vraiment donné son envol à ce type de conférence-là. C'était, il faut l'imaginer, c'était un jeune, il était rempli de... Il était très verbal, il était très expansif, exubérant, il était dans le vent, si on veut. Puis, c'était aussi un grand scientifique, on parlera de tout ce qu'il a fait. Donc, Humphrey Davy, un chimiste qui a fait beaucoup de choses pour la chimie, hein, j'en reparlerai, mais il y a beaucoup de cases dans le tableau périodique qu'on lui doit. Qui a rempli presque à son époque, c'était celui, le tableau périodique n'existait pas encore. Uh-huh. Mais lorsque, disons, on l'a inventé, ce tableau périodique-là, il y avait pas mal de cases qui avaient été remplies par ce Humphrey Davy. Humphrey Davy, on l'avait engagé parce que c'était un bon scientifique. En fait, sur son CV, il y avait une case, elle disait qu'il avait travaillé pour la Pneumatic Institute. C'était l'endroit d'où il provenait, ce Humphrey Davy. Okay. Il était spécialiste d'un gaz en particulier, le protoxyde d'azote. Le gaz hilarant. C'était le grand spécialiste mondial en termes de gaz hilarant. En fait, lui, il avait étudié sous toutes ses coutures, si on peut dire, ce type de gaz-là. Il avait donc, on peut dire, consommé le gaz hilarant. Évidemment, il avait décrit les effets. Il notait tout dans un carnet. C'était quand même la recherche scientifique qu'il faisait. Donc, il décrit dans un carnet le type d'effet qu'il peut ressentir. Il dit que ça lui fait subir des émotions sublimes, des idées vives. Lorsqu'il en consomme encore plus, parce qu'il voulait essayer différentes doses, il dit qu'il se mettait à danser d'une façon folle dans son laboratoire. Et puis, petit à petit, ce Humphrey Davy-là s'est mis à en consommer à l'extérieur du laboratoire. Ah bon? De plus en plus. Des effets particuliers? Ah, il appréciait les effets. Il consommait une drogue. Au bout de la ligne, c'était ce que c'était. Et donc, il est devenu accro, on veut, à cette chose-là. Puis, il s'en est mis à consommer à des fins récréatives. Mais il n'était pas utilisé, ce gaz-là, par les dentistes, en fait, à l'époque, pour anesthésie, justement? Mais en fait, ce Humphrey Davy a réussi à étudier le gaz, à décrire ses effets. Il en est presque mort. Une fois, il en a trop consommé. C'était abusé. Mais il n'a jamais pensé que ça pouvait être utilisé comme anesthésien. Il a fallu attendre 40 ans plus tard pour qu'une personne se dise hey, ça pourrait être utile aussi, ce gaz-là. On pourrait l'utiliser pour d'autres choses que rire en groupe. Donc, 40 ans plus tard, un dentiste a eu l'idée d'utiliser ça pour endormir ses patients. Et puis, depuis ce temps-là, on anesthésie les gens avant de leur faire des opérations douloureuses. Avant, on leur donnait un peu d'alcool, puis on disait « Attention, ça va faire mal. » C'était le genre d'opération qui se produisait. J'en ai d'ailleurs apporté, on va tout en respirer. Humphrey Davy aussi avait beaucoup d'amis poètes qu'il a rencontrés probablement en respirant du gaz hilarant ou quelque chose comme ça. Il était admiré en fait par un poète qui s'appelle Samuel Taylor Coleridge, qui est un poète assez connu, un romantique de cette époque-là. Puis il a été assez influencé par la poésie de façon générale. Il s'est même beaucoup essayé à la poésie. Il a écrit des vers sur le gaz hilarant qui sont excessivement mauvais, mais plutôt scientifique. On l'a découragé tranquillement, pas vite, à devenir poète, puis on lui a dit de se concentrer surtout sur les sciences, là où il excellait. Donc, mais tout ça a eu une influence sur lui. Le romantisme, souvent, il est placé en opposition avec les sciences, c'est-à-dire qu'à un certain moment... le romantisme est apparu en Europe et est devenu un courant artistique vraiment fort en opposition avec l'urbanisation qui était de plus en plus importante, avec la avec tout le rationalisme, puis tout ça. Donc, c'est un peu en opposition avec les sciences, mais en fait, ça a beaucoup nourri les sciences, cette chose-là. Ça a apporté une espèce d'importance, d'humanisation des sciences, une importance de l'émotion à l'intérieur des idées scientifiques, une idée de, au lieu de réduire, de comprendre un phénomène par le réductionnisme, c'est-à-dire de comprendre toutes les petites parties d'un phénomène pour l'analyser, ben le romantisme a amené les scientifiques à essayer de voir la nature dans son ensemble, puis de la comprendre dans son ensemble. Il y a eu des scientifiques qui sont inspirés fortement de tout ça. Darwin en est un exemple par la suite, ou Humboldt, qui est un scientifique important, peut-être moins connu, mais donc qui sont inspirés du romantisme. Puis Humphrey Davy est un grand romantique aussi. Il disait que pour comprendre la nature, il fallait adopter une attitude d'admiration, d'amour, d'adoration, et puis la respecter, en fait, la nature, et non la dominer. Donc, c'était assez différent de tout le mécanisme puis le réductionnisme qu'il y avait eu auparavant. Donc, c'est ce que aussi Humphrey Davy partageait dans ses conférences, tout cet amour-là pour les sciences. Donc, c'est ce qui l'a rendu un bon communicateur, essentiellement. Ce que Humphrey Davy aimait faire, ce que j'aime faire aussi, c'est raconter la science comme une grande histoire, comme une épopée, ou comme une histoire d'amour, mais de la raconter, cette histoire-là. Donc, Humphrey Davy, c'est un scientifique que j'apprécie beaucoup. J'ai lu beaucoup sur lui. C'est mon un scientifique qui, je trouve, qui ressemble au beatnik. À Jack Kerouac, parce que c'est un poète, tout le gaz hilarant qui est associé, peut-être pas au beatnik, c'est gaz hilarant, mais d'autres substances. Et donc, cette poésie-là, cette rage de vivre-là, je trouve qu'il représente bien. Le gaz hilarant, en fait, on sait que c'est un gaz à effet de serre. Une molécule équivaut à 310 molécules de CO2. Oui, donc il ne faut pas le gaspiller, ce gaz. C'est ça. Alors maintenant, est-ce que tu nous parles de Michael? Michael Faraday, il était un Anglais. En fait, la plus grande découverte de Humphrey Davy, probablement, c'est lui qui l'a dit de cette façon-là. Je ne sais pas si ça rend vraiment honneur à Humphrey Davy. Mais sa plus grande découverte serait, non pas une chose, mais une personne, Michael Faraday. Michael Faraday qui, lorsque Humphrey Davy l'a rencontré, c'était un simple relieur de livres. Il venait d'une famille pauvre. Il avait pratiquement aucune éducation formelle scientifique. Mais petit à petit, Michael Faraday est probablement devenu le plus grand scientifique de son époque. Bon, il y a eu beaucoup de scientifiques à cette époque-là, mais Michael Faraday occupe vraiment une place importante en science. C'est un scientifique dont on parle souvent dans cette époque-là parce que c'est tellement une figure de saint presque en science. Il est apparemment très calme, très posé, très humain, gentil. Il vient d'une famille de pauvres, mais il est devenu un grand scientifique. C'est comme une histoire parfaite de la science. D'ailleurs, c'est à certains points un peu romancé, puis je participe à ça aussi aujourd'hui, j'en suis conscient, mais c'est un scientifique avec une vie assez formidable. Donc lui, c'est ça, il était relieur de livres, puis un jour, on lui donne des billets pour aller voir la conférence de Humphrey Davy à la Royal Institution. Il est assis là, il trouve ça absolument fascinant. Il était relieur de livres, mais il faut voir qu'il aimait lire les livres. Mm-hmm. Puis il a fait son éducation scientifique en lisant des livres pendant qu'il prenait des pauses de relieur de livres. Et puis, il arrive à la conférence, puis il a trouvé ça fascinant. Il a écrit à peu près 300 pages de notes. En fait, il a retranscrit la conférence de Humphrey Davy, l'a relié, l'a envoyé à la Royal Institution, puis a dit « Pouvez-vous m'engager, s'il vous plaît? » Il voulait devenir scientifique, mais on l'a pas. Ça a pris un certain temps. Il a erré un peu avant qu'on l'engage. Mais il a eu sa chance une fois où Humphrey Davy a subi un grave accident dans son laboratoire, une explosion. Ouais. Il est devenu partiellement aveugle pendant quelques semaines. Il avait besoin d'un assistant. Et c'est là qu'on a donné la chance à Faraday de devenir... d'entrer en salle à la Royal Institution. Il fait son chemin à travers tout ça. Il prend des travaux d'assistant de laboratoire. Il aide à préparer les conférences. Il fait des recherches sur son côté. Donc, il s'insère vraiment dans ce monde-là. Puis, il devient petit à petit un scientifique. Entre autres, grâce à aussi des voyages. À un certain moment, Humphrey Davy l'amène avec lui en voyage à travers l'Europe pour rencontrer toutes sortes de scientifiques. Donc, il rencontre des gens un peu partout dans le monde. Dont, à un certain moment, il se retrouve en France. Il y a Jean-Marie Ampère qui donne une substance. Il dit « Identifiez ce truc. Je ne sais pas c'est quoi. » Donc, les autres, ils font des tests dans leur chambre d'hôtel. Ça, c'est drôle à s'imaginer. Deux jeunes de 20-30 ans là, dans une chambre d'hôtel en train de faire des expériences. Il y a de la fumée jaune. La femme de Humphrey Davy n'est pas super contente. Encore moins le gérant de l'hôtel. Donc, des gaz toxiques. Au final, il avait isolé pour une des premières fois de l'humanité l'iode, nouvelle substance qui était inconnue, un nouvel élément, une nouvelle case dans le tableau périodique, dans une chambre d'hôtel à Paris, comme des hipsters des années 1800. Donc, c'est une des aventures de Faraday et Davy. Sont pas toutes joyeuses, les aventures de Faraday et Davy. Entre autres, Humphrey Davy, vers la fin de sa vie, est devenu un peu amer, puis à un certain moment, il a demandé à Faraday d'aller tester une expérience qu'il avait déjà faite, puis qu'il savait que c'était dangereux. Faraday, gentiment, teste l'expérience, puis il y a une explosion qui aurait pu être mortelle pour lui. Okay. Puis je pense que apparemment, Humphrey Davy savait ce qu'il faisait quand il lui demandait d'aller tester cette chose-là. Donc, il n'a pas été le meilleur des mentors, mais il lui a quand même donné sa chance à travers tout ça. Et donc, Faraday, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Faraday, je disais qu'il était probablement un des plus grands scientifiques de son époque. Est-ce qu'on pourrait parler de chimiste à ce moment-là? Ou à l'époque, c'est peut-être que ça... C'était moins séparé, peut-être? À l'époque, la chimie, tout ça pouvait beaucoup plus se mélanger. Quoi qu'il y ait quand même des frontières qui, tranquillement, pas vite, se faisaient entre les disciplines. Faraday, comme élève de Humphrey Davy, a travaillé sur l'électrolyse, donc a fait de la chimie quand même. Il a été connu, les chimistes, dans les livres de chimie, on voit le nom de Faraday, dans la zone électrolyse. Ouais. Ensuite, il a développé pour la première fois un moteur électrique. Ça a été le premier humain à transformer de l'énergie électrique en mouvement, en énergie mécanique. Un moteur électrique, il y en a dans tout plein d'appareils qu'on utilise à tous les jours. Faraday a fabriqué le premier. C'est quelque chose qui est très facile. Si vous voulez en fabriquer un à la maison, là, avec du matériel qu'à peu près tout le monde a à la maison et des aimants, on peut fabriquer le moteur de Faraday. Je vous invite à chercher sur YouTube, là, moteur de Faraday, puis on voit des exemples qu'on peut faire là, à la maison très, très facilement si vous voulez tenter une expérience historique. Donc, Faraday, s'il avait simplement fait le premier moteur électrique, on se souviendrait probablement de lui aujourd'hui comme l'un des grands physiciens. Ça a changé la face du monde. Oui, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fait l'inverse. Un moteur, ça transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Lui, il a été le premier à faire l'inverse, fabriquer le premier générateur électrique. Donc, transformer l'énergie mécanique de l'eau par exemple. En électricité. Donc ça, il y a ça dans toutes les centrales électriques. Si on a de l'électricité aujourd'hui, puis on peut se voir grâce à la lumière et se parler par les ondes et la radio, ben c'est entre autres à cause de Faraday. S'il avait juste fait ça, encore une fois, ce serait un des grands physiciens de l'histoire. Mais en plus, il a développé à peu près toutes les bases, toutes les idées de base qui ont donné la théorie de l'électromagnétisme, c'est-à-dire le lien entre l'électricité, le magnétisme et la lumière. Okay. Toutes les idées théoriques. Lui, c'était pas un mathématicien, donc il les a formulées d'une façon sous forme de mots, plus que d'équations mathématiques. Okay. Mais les idées de base étaient là. Et ça, on lui doit ça aussi, ce qui est l'une des plus grands accomplissements de la physique, là, l'électromagnétisme. Ouais, tout à fait. Donc, tout ça, on doit ça à Faraday, entre autres, et d'autres choses qui seraient sûrement importantes, mais qu'à côté de tout ça, on passe à côté. Là. Et donc... C'était aussi, j'imagine, un grand conférencier. Mais c'est ça. Lorsque Humphrey Davy prend sa retraite des conférences, ça prend un successeur, et puis là, il y a Faraday qui est tout désigné pour le remplacer, va prendre le relais et un style complètement différent d'Humphrey Davy qui était lui qui avait le verbe et qui avait pas la langue dans sa poche, si on veut. Faraday est beaucoup plus humble dans sa façon de présenter les sciences, mais est vraiment beaucoup apprécié par le public. Donc, encore là, il est aussi populaire qu'Humphrey Davy l'avait été. Il était peut-être plus accessible au public, là. Il y avait une façon, à mon avis, plus humble, plus humaine de présenter les sciences. Puis d'ailleurs, il s'est souvenu, à une certaine époque, en présentant ses conférences, de sa jeunesse où il était pauvre. Ben, c'est ça. Et il s'est dit, ce serait le fun de pouvoir présenter à des enfants qui n'ont pas tous les moyens de présenter ce genre de conférences-là scientifiques, de leur présenter les sciences d'une façon accessible, de les émerveiller des sciences. Et il a fondé une tradition de Noël qui s'appelle les Christmas Lectures. Donc, en 1825, il va donner une Christmas Lectures, une conférence de sciences à la Royal Institution, toujours. Et puis, il va parler de science, il va faire ça pendant des années ensuite. C'est une tradition qui a perpétué pendant des années. Sa dernière conférence, sa dernière Christmas Lecture, c'était sur les chandelles. Il raconte l'histoire chimique d'une chandelle. Le texte de ça est disponible, là, c'est accessible, ça se trouve facilement sur Internet. C'est de toute beauté. La façon dont il y a de communiquer la science. C'était un excellent communicateur de science. Expérience que vous pouvez tenter à la maison, d'ailleurs, qui se retrouve là-dedans, c'est de regarder l'ombre d'une chandelle. Éclairer une chandelle avec la lampe de poche de votre téléphone cellulaire. Vous allez voir, c'est intéressant. Okay. Je ne vous dis pas ce que ça donne. OK, tu ne nous dis pas ce que ça donne. Et est-ce que tu veux nous parler aussi un peu du centre de démonstration en sciences physiques? Ben, c'est ça. Ça, c'est juste que les Christmas Lectures se sont rendus jusqu'à aujourd'hui en Angleterre. Mais aujourd'hui, à Québec, il y a des conférences. Il y a un lieu comme la Royal Institution, moins mythique, disons. Mais à Québec, on a le Centre de démonstration en sciences physiques. Il est en train de le devenir, par exemple. Ça a été fondé il y a 20 ans. Et petit à petit, au départ, bon, ça a été fondé par Yvon Fortin. Puis là, il y a la relève, cette histoire-là de relève qui se répète. Et puis, pour la première fois cette année, on donne une Christmas Lectures, une conférence de Noël qui est gratuite. Et puis, ben, c'est ça, je veux inviter tout le monde, tous les auditeurs à venir voir cette conférence-là qui va porter sur la matière. Okay. C'est notre thème de cette année, des conférences qu'on donne à des jeunes du primaire et du secondaire. Là, cette année, on va le donner pour le grand public. On veut que tout le monde de Québec vienne voir ça. Si vous êtes intéressé, c'est le 17 décembre à 19h au Cégep Garneau, au 1660 Boulevard de l'Entente. Pour plus de détails, il faut aller voir notre page Facebook ou notre site web. C'est le Centre de démonstration en sciences physiques, cdsp.qc.ca. Puis, il y a toutes sortes d'informations là-dessus. Et est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. Alors, voilà. Ouais. Dans l'ordre d'idée de Faraday, de rendre tout ça accessible à tout le monde, si on veut. Alors, voilà une belle invitation à voir la science, à se laisser surprendre par la science et à devenir encore plus curieux. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour être curieux et de toute façon, on va le voir avec le biologiste Cyril Barrette que si nous avons acquis ou développé la première et la deuxième intelligence, nous n'avons peut-être pas encore atteint tout à fait la troisième intelligence. C'est ce qu'on va voir après la pause.